toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus, et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considères plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois, je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre, je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne le méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh, oh. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans ce désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sais. Oh Père, tu es ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie. Toute ma vie. Toute ma vie. ma vie. C'est toi, Seigneur. C'est toi toute ma vie. Je t'appartiens. C'est toi toute ma vie. Tu es précieux pour moi. Tu es précieux pour moi. Oh. C'est toi toute ma vie, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aussitôt fit le roi.

ne sais comment dire. Je me mets à chanter. Lui seul est ma force, mon appui, mon rocher. Il est le rocher devant lequel je me réfugie. Tant que je vivrai, je proclamerai qu'il est bon pour moi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Ma vie est il est plus à moi. Je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus à moi. Je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus à moi. Je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Chante ma vie est à toi. Ma vie n'est plus à moi. Je t'appartiens. Ma vie. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus à moi. Je t'appartiens. Ma vie. Je m'abandonne. Sur la croix, tu comprendras, tu sais. revêtue, l'enfant dans tes bras, et Dieu de la création. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras règnera sur les nations. Savais-tu, l'enfant dans tes bras, il existe tous les temps, le bébé que tu as enfanté est le grand Dieu tout. Alléluia. Tu es merveilleux pour ma vie, Seigneur. Merveilleux, oh. Merveilleux, oh. Merveilleux Dieu. Tais-moi parce que tu es merveilleux. Tais-moi parce que tu es merveilleux, Jésus.